c'est quelqu'un qui est très sérieux dans son évolution, qui me demandait tantôt, qui avait beaucoup d'idées. Puis il appelait ça de l'instinct, puis il se demandait si un instincteur, ça venait de là. Puis... Désolé. Sérieusement, là, est-ce que l'évolution, c'est sérieux? Est-ce que Dieu serait fâché s'il voyait qu'on s'amuse en évoluant? En tout cas, il y en a un qui va le fâcher là. Si Dieu serait fâché en voyant qu'on s'amuse en évoluant, une chose est certaine, c'est que c'est pas mon Dieu, moi, qui ne serait pas fâché. Ça serait fâché. L'évolution, c'est... ça se fait surtout quand on s'amuse. Bon. L'être humain dit souvent que c'est la souffrance qui fait évoluer l'homme, la femme et l'enfant. La souffrance, ça l'oblige à avancer. Parce que la souffrance est un motivateur trop puissant, la peur devient un frein. Donc, l'humain, il devient écrasé entre la peur d'avancer et l'obligation de fuir ce qui est en arrière. Sauf que ce qui cellularise l'évolution, ce qui la rend utilisable, ce qui la rend transmissible génétiquement, ce qui la rend transmissible par l'imprégnation, une forme d'éducation plus avancée, c'est l'amusement. Quand on en arrive à s'amuser, c'est que l'information est cellularisée, donc codifiée dans le code génétique, et là, c'est utilisable. Là, c'est réel. Une personne, par exemple, qui prie Dieu pendant n'importe quel Dieu, n'importe quelle divinité, pendant 35 ans, et qui, à un moment donné, perd un bras lors d'un accident d'automobile... Puis elle se marie. Sa religion est bonne. Si elle se met à souffrir, si elle se met à penser qu'elle va être récompensée de sa souffrance dans l'autre monde, premièrement, elle est probablement mal informée sur l'autre monde, et ce n'est pas du tout le vrai vecteur de l'évolution. Ça, ça coûte un bras, évoluer de même. Plus on s'amuse, plus on rit. Il y a différentes façons de rire. On peut rire par en dedans, ça cellularise puissamment. On peut rire par dehors aussi, ça cellularise aussi, mais c'est évident que plus l'être humain s'amuse, ça atténue la vision des épreuves, mais à un moment donné, les épreuves ne sont plus des épreuves, ça change, puis à un moment donné, l'être humain arrive réellement à un sommet où les choses commencent à le servir plutôt qu'à disons, le niaiser. Alors, il faut s'amuser. C'est très, très, très, très bon de s'amuser. De toute façon, j'ai pas le choix de dire ça parce que moi, j'ai passé mon temps à m'amuser. C'est compliqué de dire l'inverse. On va passer aux choses sérieuses. Est-ce que les entités du septième plan sont contaminées par l'astral et peut-on se fier aux médiums qui les reçoivent? Bon, j'ai déjà expliqué qu'un médium, c'était quelqu'un qui était médium. Hein? Non, on ne peut pas se fier à un médium qui les reçoit, parce que le médium est un être humain, l'être humain étant un être humain, c'est une mécanique investie d'un ego. Il a des sentiments, des désirs, des peurs, des craintes, etc. Donc, il est un grand colorant, qu'il colore. En plus, l'entité qui vient communiquer avec un être humain est une entité extrêmement faible. C'est une entité qui est minus. Qu'on parle du septième plan, qui est un plan dans l'astralité, qui est un plan des hautes, très, très hautes sphères spirituelles, qui peut porter différents noms. Même si l'on fait référence aux hautes sphères spirituelles, on fait référence à quelque chose qui n'a pas la capacité de communiquer directement avec l'être humain qu'il vise, et qui n'a surtout pas la possibilité d'être dans un corps physique pour évoluer. Traditionnellement, l'être humain conçoit que c'est le corps physique qui nuit à l'évolution. Alors que dans la réalité des choses, c'est que tout ce qui n'a pas de corps physique n'évolue pas. Ça peut apprendre des choses, donc ça mémorise, comme ce que nous faisons dans le corps physique. Mais c'est par le corps physique que nous garantissons notre évolution. Si ça évolue lentement à cause du corps physique, ça évolue lentement à cause du corps physique. Donc, une chance qu'on l'a. On fait une crise de colérique à un moment donné, sans le corps physique, on sera revenu dans la colère pour les 300 ou 400 prochaines années. Le corps physique fait que tu peux te rétablir, le corps physique n'a pas trop bougé. Quand on évolue, par contre, ça devient aussi un handicap, ça évolue lentement. Ça change dans le mental, Ça prend quelque temps avant de changer dans l'astral, dans la psychologie. Ça prend quelque temps avant de changer dans le corps vital. Et ça prend quelque temps avant de changer dans le corps physique. Donc, on a des personnes qui sont des batailleurs de rue. Ils ont la face à ça, les mains à ça, tout le corps physique pour ça. À un moment donné, ils font du zen. Et puis, 20 ans après, ils sont totalement transformés. Mais quand on les voit encore, ils ont toujours l'air d'un casse de gueule. Mais quand on parle avec sa voix à l'EMS, c'est assez différent. Alors, le mental a changé, ça prend un laps de temps avant que l'ego finisse par accepter le changement. Vous autorise à être votre changement. Le corps vital qui va changer le corps physique prend un laps de temps, et c'est là qu'on cellularise. On revient encore, plus l'être humain se plaît et s'amuse dans la vie, plus vite ça se fait, et là le corps change rapidement. Les lignes de la main changent. Ça prend un laps de temps. Donc, tu es maintenant, on regarde ta ligne de main, on dit, t'es une personne colérique. Ça fait peut-être un an qu'on n'est plus colérique. C'est encore inscrit. Dans 5, 6, 7, 8 ans, ça sera désinscrit, on aura écrit, il y aura d'autres choses écrites. Est-ce qu'on peut se fier à des entités? Non. Le corps physique est important. N'importe quelle forme d'entité qui vienne parler aux oreilles de l'être humain, c'est à l'être humain, donc à vous, de discerner. Est-ce que ça fait du sens selon vous? Oui, mais je peux me tromper quand même. Oui, on peut se tromper quand même. Mais c'est nous qui devons être les maîtres contrôleurs. Est-ce que ça fait du sens ou non? Tant que Dieu me dit de ne pas tuer les autres pour rien, je ne les tue pas. Si Dieu me dit, tue telle personne, je veux voir si tu as foi en moi. Je suis désolé, mais je ne la tue pas plus. Bon, ben, Dieu se trouve un autre vecteur pour s'amuser à triper que les humains ont foi en lui, mais moi, je ne peux pas. Quelle que soit la supériorité dans l'apparence, quelle que soit la valeur énergétique ou quelle que soit la stimulation biologique que ça va faire chez nous, c'est nous qui devons décider si ça fait du sens ou non. Rappelez-vous, lorsque des personnages, à un moment donné, entrent en contact avec les très, très hautes sphères spirituelles, ils ont des contacts fabuleux, on les rend riches, on les monte au niveau des classes sociales, on guérit leurs maladies, et quelques années après, ils sont poursuivis en cour parce qu'ils ont tué, souvent c'est des hommes, ils ont tué leurs femmes et leurs enfants au nom de Dieu. Ça part très très joli, extraordinaire, et progressivement, ça vient ramasser l'humain par tous les vecteurs. L'entité, comme l'être humain, c'est pluriconstitué. Nous, on peut se dire, moi je suis un être humain colérique. Et pourtant, là, tu n'es pas en colère. Ah non, ben c'est sûr, je ne suis pas en colère toujours. Ah, tu es donc aussi un être humain qui n'est pas colérique. Tu es un être humain qui peut avoir peur, qui peut ne pas avoir peur. On est pluriconstitué. On est très, très, très extraordinairement haut, disons beau, et extraordinairement bas, disons laid. On est cela. Et notre travail, prime abord, c'est de fusionner l'ensemble pour créer une stabilité évolutionnaire qui est une stabilité non pas traditionnelle, une stabilité qui nous permet de toujours être dans un équilibre instable. On bouge, on vit, on avance. Et non pas un équilibre stable, traditionnaliste, où tu expliques toujours le neuf en partir du vieux, du passé de la tradition. Les entités, c'est la même chose. Le monde de la mort, il est bâti comme l'être humain est bâti, très bas à très haut. Si je viens vous voir et que je parle à votre personnalité la plus évoluée lorsque vous sortez du bain sauna, je me dis, vous êtes telle personne. Deux jours après, vous êtes un des plus grands voleurs qui n'a pas sa planète. Je me suis fait avoir. Quand l'être humain est en contact avec des entités, il va chercher la corde particulière de ce monde de la mort. Il touche les cheveux de l'entité, les hautes sphères spirituelles. Et quelques années après, s'il fait confiance à l'entité, il se fait ramasser totalement par les culottes. Les médiums, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de cartomanciens, d'astrologues. Vous n'avez pas besoin de médiums. Oui, mais ils me disent des choses, on s'en fout de ce qu'ils vous disent. De toute façon, ce qu'ils vous disent, c'est un milliard de milliardième de tout ce que vous devriez savoir. Alors, ça ne change pas grand-chose dans la vie d'un être humain. Tout le reste, vous ne le savez pas plus. Plus on apprend à se fier à soi, plus on apprend à se fier à ce qu'on décode de la vie, plus on arrive à tomber dans le trou qui nous est réparti, là où tout sera facile. Le médium, il est désirionnel. Il a des désirs. Fonctionne comme l'être humain, comme celui qui vient de voir. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Mais c'est une technique. On doit se débarrasser. On doit être nous-mêmes, ceux qui l'ont fonctionné. Alors, les médiums ou les entités qui viennent nous voir, l'interpréteur actionnel, s'il veut nous parler, l'ajusteur psychologique, les ajusteurs de pensée, quel que soit le phénomène, est-ce que ça fait du sens? Faites-le. Vous êtes fait avoir, vous apprenez à discerner. Mais continuez, la vie, ça doit servir à quelque chose. Puis à un moment donné, on dit, oui, mais même si je sais tout ça, un jour je meurs quand même. L'être humain doit échelonner sa vision de la vie sur les 500 prochaines années, minimum. Bon, pas sur juste les 60, 70, 80 années qu'il va vivre. Sur 500, minimum. Bon, au moment donné, on pourra revenir sur le phénomène. Mais se fier au médium, c'est non. Même moi, si vous fiez à moi, ben vous vous faites avoir. Nécessairement. Ce n'est pas que ce que je dis est vrai ou ce que je dis est faux, ça n'a rien à voir. Vous ne développez pas votre faculté de discernement. Moi, je suis comme un médium ou comme une entité. Je suis une grande gueule. Alors, je parle, je communique des choses. Ça fait du sens, c'est bon. Je mets les mots que vous n'aviez pas à l'énergie que vous aviez. Alors, vous dites, c'est ça. Pas de danger. Et quand, à un moment donné, je mets des mots de l'énergie que vous n'aviez pas, puis vous décidez que parce que je suis un conférencier ou une autorité, vous devrez me faire confiance, danger. Même si je serais le plus pur que pas sa planète, danger, vous êtes en train de vous faire avoir, vous êtes en train de devenir un disciple. Et ça, on doit devenir un maître, pas un disciple. Peux-tu expliquer par quel pouvoir on peut guérir et éliminer la douleur physique? Parce que la douleur physique, ça n'existe pas. Donc, c'est facile de guérir la douleur physique. Qu'est-ce que la douleur physique? Bien, je vais expérimenter. Si l'espère. Non, c'est sérieusement. Mets ta main. Avance un peu. C'est quelqu'un qui veut mettre sa main? Non, mais... Oh, ouais. Mets ta main, là. Bon. Avance un peu, là. Voilà. Qu'est-ce que je ferais pas pour 100 000 $ par soir? Quelqu'un a une aiguille? Je vais prévoir ça. Disons, je pinçais la main de Charles. Je pinçais la main de Charles avec des petits ongles ici, là. Comme ma cousine faisait quand j'étais jeune. Voilà, je pince. Ça mal? Oui. Bon. C'est pas encore mal? Oui. Je ne pince plus. Alors, il est déjà dans l'illusion. Il sent encore de la douleur, mais le corps ne souffre probablement plus. Mais regardez ceci, je vais recommencer, mais plus fort. Il est déjà mal. Et c'est un grand processus d'illusion. Son ego, mémorisant ce qu'il a senti, écoutant ce que je dis, il a plus mal, il a déjà mal, je n'ai pas encore pincé. J'aurais une aiguille, là, je la cacherais et je ferais pic, il y aurait mal sur le moment. Après ça, je dirais, je vais encore le piquer, la main va sauter. Ouais, c'est ça. La lampe va trembler, tout va bouger. La douleur, qu'est-ce que c'est? Remets ta main là. Mmh. Voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais devenir un disciple. Si je commence à le pincer, je le pince, il a mal. Là, je le pince pas trop fort, là. Bon. Quand je pince, les cellules, il y a des liquides qui envoient de l'information au cerveau, se dépolarisent. Donc, ça envoie une information, ça se repolarise, ça n'envoie pas d'information, ça se redépolarise, ça envoie une information. Ça veut dire que, disons, à chaque dixième de seconde, le cerveau reçoit « ouch, ouch, ouch, ouch, ouch ». Mais chaque fois qu'il a eu le « ouch », c'est fini. Alors, pourquoi la douleur devient-elle persistante, cumulative? Pourquoi ça fait mal? Parce qu'en réalité, quand vous avez mal, pensez-y, toute la douleur que vous avez eue n'est plus là. Mais à un moment donné, on devient irrité, et l'accumulation de quelque chose dans le cerveau d'une synergie particulière fait qu'on a mal longtemps. L'individu peut ne plus avoir mal et il va continuer à avoir mal. J'ai juste à dire qu'il va avoir plus mal, il va avoir encore plus mal. Quand on magnétise, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'on vient restabiliser énergétiquement une partie du corps physique. L'énergie circule à travers le corps et elle peut facilement aller arrêter la conduction neuronique qui, elle, crée un rythme. Quand une personne commence à jouer un rythme, elle garde le rythme. Pourquoi elle garde le rythme? Parce que son cerveau finit par créer une chaîne de neurones qui dépolarise des muscles. Alors, le temps que ça se promène là-dedans, ça fait un chronomètre et ça envoie l'information. L'individu peut donc jouer de la batterie, faire différentes choses. Le rythme se continue même s'il écoute ou s'il pense à d'autres choses. C'est la même chose pour la douleur, c'est la même chose pour les pensées de haine, pour la majorité des structures de pensée chez l'humain. Ça en rentre dans un cercle vicieux qui se synergise. Ça se maintient. Alors, si je lâche un gros cri, un kiaï, je bloque tout ça, il vient de penser à d'autres choses. Bon. Le coq à l'âne est créé par la même façon, ça crée de l'énergie, ça se dépolarise, ça perturbe d'autres neurones, puis là on s'en va. La douleur, c'est quelque chose qui est enregistré mémoriellement par la restimulation élassable d'une condition. Si on donne des drogues, on perturbe le cerveau, on perturbe les conductions neuroniques, on perturbe dans l'anesthésie donc, puis il ne peut plus le sentir. La douleur continue à être là. Ça sent moins. Si on met de la xylocaïne, disons, un anesthésien local, bien là, on gèle. Ça dépolarise même plus. Évidemment, le cerveau ne sent plus rien. La douleur, elle est là, mais le corps local ne la communique plus. Alors, c'est pourquoi une personne qui magnétise, donc on parle ici magnétiste, elle va simplement calmer parce qu'elle ne défait plus. J'explique à un moment donné. Charles a mal à une dent. Et puis moi, je lui donne un coup de marteau sur l'orteil. Il n'est plus mal à la dent. Il n'est plus mal à la dent. Peux-tu l'essayer? Il est mal à l'orteil. Oui, tu peux l'essayer pour toi. Mais il n'aura plus mal à la dent. Il a plus mal que là, la synergie est concentrée sur une région localisée. Psychologiquement, c'est important parce qu'on peut devenir des grands douloureux. Le magnétisme, comme plusieurs autres choses, peuvent éliminer ça parce qu'on défait ces choses-là. On brise l'illusion. Tu as dit que si ma femme chiale parce que je ne fais pas la vaisselle, si je donne un coup de poing, elle va oublier la vaisselle. Exact. Qu'est-ce que le livre La Cité de Sept et que découvrirai-je? Le livre La Cité de Sept, c'est un livre, c'est un livre que j'ai écrit. Donc, c'est un livre particulier. Et c'est un peu le livre d'histoire. Mais c'est une façon très occulte, très ésotérique de communiquer de l'information à plus de gens. Alors, la meilleure chose, c'est de lire le livre, et puis vous allez savoir qu'est-ce que vous allez découvrir là-dedans. Mais c'est un livre qui, effectivement, crée certaines choses. C'est un livre opérationnel, mais le vendre le livre, non. Vous le lirez si vous le lisez, et puis vous ne le lisez pas si vous ne le lisez pas. Mais ce n'est pas qu'un roman, c'est évident. Je ne peux pas me permettre d'écrire quelque chose comme ça, juste faire du roman. Nécessairement, il y a énormément de choses à communiquer à l'intérieur en ce qui concerne des réalités que l'on vit sur la planète depuis longtemps, qui sont difficilement communicables directement et qui sont facilement insérables dans un roman. Le roman, c'est l'histoire romanesque, c'est-à-dire que c'est basé uniquement sur des faits vécus. On va compter en roman. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne fais pas de voyage astral de façon consciente. Je ne suis pas clairvoyante, clairauditive. Je ne suis pas télépathe ou télémate. Non. Je perçois les gens ou les choses. Mais je perçois les gens ou les choses. Je sais quand quelque chose de néfaste va m'arriver, ça me tiraille par en dedans, mais je ne sais pas quoi, ni quand, ni où. Cela veut dire que cela ne me sert à rien, si je ne peux pas m'en servir de façon juste et adéquate. Parfois, je me demande qu'est-ce que je fais parmi tous... Ah, OK, c'est une deuxième question. Bon, premièrement, la personne, elle a des pouvoirs de toute façon, elle est capable de décoder certaines choses. L'unique problème, et ça, on doit comprendre l'idée. Quand l'être humain évolue d'une façon collective, quand l'être humain évolue d'une façon reliée aux mécaniques de destinée traditionnelle, voire qu'angélique, les protecteurs de la tradition, tout ce que l'être humain fait est plus important que l'être humain lui-même. Quand l'être humain commence à avancer sur un chemin individuel, quand l'être humain commence à avoir une certaine forme, disons, d'importance, en réalité de l'utilité, mais disons une forme d'importance énergétiquement, je passe des petits détails, ce que l'être humain est devient plus important que ce qu'il fait. De ce fait, si la personne commence à avoir suffisamment de conscience mentale pour s'approcher d'une vision instantanée, vision supramentale des choses, son ego va commencer à lui jouer de phénoménales tours. Quand j'expliquais tout à l'heure qu'on doit développer de la puissance, on doit se servir de certaines choses. On doit s'en servir lorsque c'est nécessaire que l'on s'en serve. On ne peut pas travailler pour les développer. Elle est capable de percevoir des choses, mais ça ne lui sert pas. Est-elle trop sensible émotivement? Est-elle trop sensible psychologiquement? Est-ce qu'elle ne fait pas suffisamment confiance ou trop mal confiance, donc trop sensible encore une fois à son intuition? Une chose qui est évidente, c'est que la personne, elle a des pouvoirs, et quand elle se dit que ça n'en a pas, elle en a. À quoi ça lui sert? Ça lui sert simplement à découvrir des nouveautés. Vous savez que la majorité des découvertes chez l'humain, ce sont des découvertes qui n'ont qu'une seule fonction, c'est vous obliger à conscientiser que tout ce que vous savez est faux et ne sert à rien. Alors, on finit par être tellement habitué à être ce que nous sommes qu'à un moment donné, subitement, on découvre une nouvelle chose. Où on voit différemment la vie. Mais c'est ça. Ça fait juste nous faire dire, attention, l'illusion est une réalité. Bon. Et progressivement, on avance vers quelque chose d'autre. Ce que l'humain doit comprendre, c'est qu'il n'est pas sur la planète Terre pour être heureux. Il peut être heureux s'il a une raison intelligente d'être là, d'avancer aussi. Mais il n'est pas sur la Terre non plus pour être en paix. Il peut être en paix, il n'est pas là pour être en paix. Et si traditionnellement on explique que l'humain doit rechercher le bonheur, doit rechercher la paix, ça lui permet de rechercher toute sa vie quelque chose qu'il ne trouvera jamais. Parce que ce n'est pas à rechercher, c'est à faire. Se libérer de la liberté, c'est déjà la meilleure chose à faire pour arriver à être libre. Sinon, toujours mal pris. Se libérer du bonheur aussi. On arrive à être plus heureux quand on est libéré du bonheur, quand on cesse de le rechercher. La personne, elle a des sens, elle a des choses, sauf que présentement, ce qui lui arrive au niveau de sa vie, c'est qu'elle n'est pas suffisamment attentive parce qu'elle est trop... Le terme frustré n'est pas exact. En ce qui concerne la vie, puis en ce qui concerne sa propre état. La question suivante ici va nous permettre de répondre encore plus loin. Parfois, je me demande qu'est-ce que je fais parmi tous ces adeptes du PMC qui ont au moins un ou plusieurs pouvoirs surnaturels. Je me sens pas de force égale, je me sens comme un bébé qui a tout à découvrir et à savoir. Mais le bébé qui a tout à découvrir et à savoir, il est en avance sur les autres du PMC sur un certain point, c'est que ceux qui vont découvrir des choses extraordinaires qui ne serviront à rien, bien, celui qui est avec le bébé qui attend, il va se dire, ah tiens, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Et puis là, il y aura juste à faire ce qu'il y aura besoin de faire. Les personnes qui sont dans le PMC, programme de contrôleur, et qui effectivement, certains s'amusent à certaines choses, n'ont pas travaillé pour développer ces choses-là. Ce sont des choses qui, à un moment donné, leur deviennent un outil, ça leur sert. La plus grande frustration de ceux qui font le PMC, ou ceux qui font partie de certains groupes au niveau du PMC, c'est la journée où ils découvrent que, on parle de pouvoir, le pouvoir qu'ils avaient à un moment donné, ils l'ont plus, perdu. Parti, frustrant, maudit. Ça fait 2 ans là, que je l'ai, que je travaille, puis là, je ne marche plus. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est assieds-toi autour du feu, là. Pourquoi tu ne l'as plus? Je sais pas, justement. Ça te donne ton intelligence, là, puis dis-moi donc pourquoi tu l'as pu. Ça aide de broyer qui ne sait pas, tu le sais pourquoi tu l'as pu. Mais peut-être que... Peut-être que quoi? Ah, à un moment donné, ben, commence à parler, puis là, commence à découvrir des choses. Ton maudit pouvoir, il avait pris trop d'ampleur au niveau de ta conscience. Toi, t'es important plus que ce que tu fais. Ben, à un moment donné, toi-même, tu vas le faire rire. Il va revenir quand ça sera utile. Mais en attendant, pense donc à une autre étape. T'es rendu tellement orgueilleux de ce que tu peux faire. On a une personne qui peut marcher la nuit dans le bois sans jamais rien frapper. Alors, quand on arrive de temps en temps en plein milieu de la nuit, on marche sans lampe de poche, évidemment, pour que les gens débloquent les choses. Et on a un sentier assez fou à faire pour se rendre jusqu'au campement. Et puis, on a une personne, elle arrive, elle est là. Puis, il y en a une autre, on l'entend sacré. Il revient de rentrer dans la roche traditionnelle, parce que le chemin tourne là, puis il rentre dans la roche. Puis, bon, il y en a, on les entend venir. On les voit pas, mais on les entend venir. Puis, à un moment donné, cette personne-là, bien, subitement, elle déboule à bas de la montagne, puis elle est perdue. Elle n'est plus capable de se promener dans le bois la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'évoluer. Tu viens de chialer. Il faut pas que tu apprennes d'autres choses. La personne ici, elle, essaie de se normaliser. On ne doit jamais essayer de se normaliser. On est tous aussi fous et folles que l'on l'est. On est naturel. Si on ne l'est pas, il faut le devenir. Elle est entourée de certaines personnes et son critère d'évolution, son critère de compréhension d'elle-même, c'est l'extérieur. Alors, ce qu'elle ne sait pas, c'est que d'autres personnes qui sont peut-être mieux qu'elle dans l'apparence, qui lorsqu'ils regardent d'autres personnes, se sentent aussi faibles qu'elle. Il faut qu'on cesse de jouer ce genre de jeu. Moi, je ne suis pas conférencier pour être meilleur que qui que ce soit. J'apprends souvent en répondant à des questions, donc j'apprends, c'est intéressant. Je suis payé pour apprendre, vous payez pour apprendre. Bon, c'est la différence seulement. Mais j'apprends énormément en parlant, en répondant à ses questions. Lui, il apprend aussi en posant. Ça va bien. Les personnes qui évoluent souvent sont toujours en train de chercher des phénomènes de comparaison. Moi, j'en ai jamais cherché, j'en ai pas besoin. Je disais, m'en donnait des personnes qui avaient des petits problèmes. Il y a une personne qui m'expliquait qu'elle, quand elle était seule, elle se promène, elle se brosse comme ça. Ou comme ça. Quand quelqu'un rentre à l'arrêt. Quand elle était jeune, elle faisait ça, elle aimait ça, elle se berçait sur une chaise qui n'est pas une berceuse. Mais quand quelqu'un est là, l'arrête. Puis là, elle se sent mal. Elle n'est pas normale. Puis moi, j'ai expliqué que moi, quand j'avais des stupidités comme ça, là, ben, j'observais ce que ça donnait, je me sentais bien, j'en faisais une technique, puis je l'enseignais. Bon. Et puis, elle devrait faire ça. C'est ce qu'on appelle monnayer son intelligence. Ben oui! Pourquoi tu te brosses comme ça? Ça fait quoi? Ben, je me sens relax, je me sens bien. C'est évident, tu fais un pompage des vertèbres sacrées, ça forme le liquide qui est le liquide rachidien, c'est pas le rachidien, et puis ça a détruit le cerveau, vous avez refroidi le cerveau. C'est comme si tu marcherais ou si tu ferais du bicycle. Mais parce que t'es la seule folle qui fait comme ça, là, tu sais, il te manque un qui est pour finir pour être tout autistique. Parce que t'es la seule qui fait ça, t'essaies de te normaliser, t'essaies de ci, t'essaies de ça. Savez-vous combien de problèmes pour y éliminer si vous cesseriez de chercher les karmas relatifs, les karmas qu'on s'impose à soi-même, les karmas faux, 95% du karma des souffrances que l'humain vit. Vous êtes ce que vous êtes. Pas uniquement parce que vous êtes barré là, c'est parce que c'est le chemin dans lequel vous êtes. Dans votre chemin, vous n'avez pas besoin de ceci. Dans le chemin qui est un millième de pouce à côté, il a besoin de cela. On a l'impression qu'on est dans le même sentier. Non. Vous n'êtes pas sur la même chaise. Vous n'êtes pas à la même place, vous n'êtes pas dans le même monde. On marche ensemble, il ne marche pas à la même place que moi. Il ne voit pas la même chose que moi. On aurait nécessairement des phénomènes différents. Il ne faut pas qu'on se compare. On avance en fonction de l'intelligence que l'on a. Moi, c'est ce que je répète, si je le répète encore. On ne doit pas chercher les symptômes secondaires de l'évolution. Ça vient, ça va. C'est comme la personne qui suit des cours pour parvenir à avoir des bonnes idées. Non. On en a, on n'en a pas. Tu n'as toujours aucune bonne idée. Tu peux en avoir une, là? Non. Je suis un capteur. L'idée apporte dans l'air, je la respire, je la sors. Il ne l'a pas. C'est la même chose pour l'évolution. Un jour on l'a, un jour on l'a moins. L'important, c'est la gestion que l'on fait de cette vision. C'est ça qui est l'évolution. C'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Une journée, je vais encore aller me perdre quelque part, ça va être à l'opposé total d'où je vais aller. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rire. Je me suis fait avoir. Pas dans le sens que je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. C'est comique. Je me suis eu moi-même. Quelque chose que j'ai fait qui n'était pas catholique, qui n'était pas juif, qui n'était pas protestant. Quelque chose qui n'était pas correct. Bon, et puis c'est tout. Je vais arriver en retard. J'arriverai en retard, j'étais à 20 000 de là. Bon, j'arriverai en retard, c'est évident. Je m'en fais pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est des êtres humains, ils vont chioler. Si c'est des animaux humains, si c'est des réels êtres humains, ben, j'ai aucun problème. Chacun sa vie, chacun son karma, karma relatif. Je sais pas comment ça se fait pour rien. Je me pointe là. Dernièrement, il y a une personne qui a téléphoné. J'avais une conférence à donner dans une école. Et puis, il neigeait. On s'était fait dire que peut-être qu'elle serait cancellée s'il neigeait. Il neigeait beaucoup, j'avais pas le goût de donner, je l'ai cancellé, moi. J'ai passé ma souffleuse. À un moment donné, on me téléphone du bureau, pour on me dit sur le répondeur, là, c'est le directeur de l'école, il y a avec lui dessus. Il s'attend depuis déjà une heure. Ah! Bon, ben, je vais l'appeler pour voir s'il m'attend encore. Et puis, je l'ai appelé, puis finalement, on a fait la conférence, puis il y a eu le dîner entre les deux qui n'était pas prévu, puis on trouvait ça très bon. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Je respecte l'humain, je respecte les conditions, puis à un moment donné, quand on a fait ce qu'on pouvait, puis ça ne va pas, ben tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ils chiolent, ils sont bâtis pour chioler. Ils rient, ils sont bâtis pour rire. La personne, elle se normalise, elle essaie de se normaliser. À l'extérieur du PMC, elle n'est pas normale, elle souffre. Dans le PMC, elle n'est pas normale, elle souffre. Souffre, ça n'aide pas beaucoup, on a toujours une petite souffrance. On n'en a rien à faire. Soyez heureux. Sourire. Oui, mais j'ai pas la face pour sourire. Souriez pas. Soyez heureux. Simplifiez les petites choses. Quelle différence entre l'intuition rationnelle et l'intuition psychologique? Les deux sont des menteurs. L'un est une pute, puis l'autre est une garce. Quelle différence entre une pute et une garce? Je te laisse la vie. Pour la découvrir. Comme maître, pour la découvrir. L'intuition rationnelle est une intuition où on légifère en même temps qu'on intuitionne les choses. Ça veut dire légiférer, c'est essayer d'associer selon une structure apparemment logique les phénomènes intuitifs que l'on a. L'intuition psychologique ou émotive est une intuition qui, elle, va fonctionner en fonction de prendre une intuition et observer ce qu'elle crée dans notre corps physique en termes de stimulation. L'estomac bouge, tu te sens, et peut-être patata, des sécrétions endocriniennes, est émotive. Alors, une intuition qui nous plaît, normalement, une intuition psychologique émotive, ça peut être très dangereux parce que, dépendant du corps physique que l'on a, de la psychologie, donc de l'ego, hein, du virus, on peut se faire avoir. L'intuition rationnelle, la problématique qu'il y a, c'est que la logique est souvent basée sur une association à partir d'un schéma de légifération que l'on a appris. Exemple, c'est logique que tu souffres, tu ne vas pas à messe. C'est logique. Ouais, c'est très cartésien, très logique, en fonction de la structure de légifération que l'individu a pris. Pour lui, Dieu et l'obligation d'aller à la messe sont des axiomes. Ce sont des particules mathématiques qu'on ne peut pas bouger. Donc, sa logique, elle est illogique. L'intuition rationnelle, c'est la même chose. L'intuition rationnelle, on doit faire attention à l'intuition rationnelle. Moi, la meilleure chose, ce qu'on doit développer, c'est l'intuition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction endocrinienne, pas de réaction corporelle, donc ce n'est pas émotif. Pas de logifération en même temps que l'intuition, ce n'est pas rationnel. C'est à gauche ou à droite? Lequel tu prends? Passe. Méritoire. On commence à légiférer. À droite, c'est bon, mais il y a ça, donc j'ai l'intuition qui serait peut-être mieux là. Ah non, il y a ça, donc mon intuition dit que c'est pas d'intuition. Et on peut se faire avoir comme on peut réussir, mais l'intuition, c'est la meilleure chose. C'est neutre, c'est la vraie intuition. Pourquoi le mode d'emploi de l'Arche d'Alliance se trouve dans le trésor des Templiers? Parce que les Templiers ont découvert comment ça fonctionnait, ils l'ont inscrit, ils l'ont caché, et les autres personnages qui savaient comment ça fonctionnait, c'était oral, ils ne l'ont pas traduit, ne l'ont pas inscrit, puis ils sont morts. Certains sont morts par l'arche elle-même, d'autres sont morts simplement parce qu'ils sont morts. Simplement pourquoi? Mais les Templiers et l'Arche d'Alliance, à un moment donné, il y a des individus qui vont vouloir chercher ça. Parce que tu trouves que le trésor des Templiers, le phénoménal trésor des Templiers est caché au Québec. Mais j'expliquais dernièrement à quelqu'un, on parlait du trésor des Templiers justement, qui nous disait, bon, selon les ésotérismes européens, le trésor des Templiers nous permettrait d'acheter plusieurs fois la planète Terre au complet encore aujourd'hui. On voit que tu as travaillé dans la finance. Mais c'est quoi ce mot de trésor-là? Pour acheter. Est-ce que c'est de l'or? L'or, il en faudrait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il en faudrait un gros volume pour acheter la planète. Des diamants, des émeraudes. L'humain ne comprend jamais rien. Tant. Aller vers le neuf, à quoi? Qu'est-ce que ça peut être le trésor des Templiers? Ça peut être une... Qui nous permet d'acheter l'humanité plusieurs fois. L'information, l'énergie. Bon, ça peut être n'importe quoi. Ben, ah, ça peut être n'importe quoi. Ah, c'est bon, bien. Ça peut pas être de l'or puis des diamants, parce que de l'or, il y en a déjà plein la planète. Peut-être un vase comme celui-ci. Le Graal. Un vase comme celui-ci, que quand tu trempes quelque chose dedans, ça sort à mort. Tu auras donc suffisamment d'or pour acheter la planète. On n'a pas pensé? Facile à cacher. Est-ce que c'est simplement quelque chose qui te donne l'immortalité? Facile à cacher, tu pourras économiser suffisamment pour acheter la planète plusieurs fois. Bon, c'est immortel. Les obligations dépendent. Vont-nous inventer quelque chose qui va nous dire quelque chose d'autre que la fichue visualisation des trésors conventionnels? Mais le mode d'emploi à l'Arche d'Alliance, c'est effectivement le contrôle de toute la mécanique astrale, toute l'énergie qui passe dans le monde de la mort. Ben, probablement à Fort Knox présentement. Mais pourquoi le mode? Eux autres ont connu des choses, mais les Templiers jouent avec le Graal. Ils ont connu certaines choses, les Templiers. Est-ce et que ça peut être le Graal? Oh, ça peut, c'est sûr. C'était possible. Tout se peut. Est-ce que c'est le Graal? C'est une partie du Graal. Mais le Graal, on ne peut pas le trouver présentement. On doit le recréer chacun chez soi. L'Arche d'Alliance a-t-elle une plus grande valeur vu qu'il faut trouver le trésor du Templier alors que l'Arche, elle, est trouvée? Vous savez, trouver la porte, c'est intéressant quand on n'a pas la clé. J'en connais sa planète, il y a une clé, lui, il y a tout, mais il ne sait pas où est la porte, finalement, un ou l'autre. Ces mécaniques disparaissent progressivement. Bon, je connais des choses, je sais des choses qui pourraient servir l'humain. Je n'ai jamais été attiré par ces trucs, parce que nous pouvons, chez nous, recréer toute la mécanique au complet, sans jamais avoir besoin de... justement de mode d'emploi et de matière à l'extérieur. L'Arche d'Alliance est-elle de plus grande valeur? Non. Le Graal, par définition, c'est soit un cristal créé dans des mécaniques extraterrestres plantées dans le contexte planétaire à l'époque du dragon, dirait Merlin. Le Graal, c'est aussi l'énergie vitale ramassée du sang du Nazaréen dans une coupe. Lorsque Longinus a enfoncé une lance à l'intérieur du corps du Nazaréen, le Graal est perdu par la... De toute façon, la semaine prochaine, on parle juste des légendes, on va parler énormément de ce phénomène-là, où il y a justement une juxtaposition de la légende et de la réalité. On va revenir sur l'Arche d'Alliance, puis sur le Graal, puis sur ces trucs-là la semaine prochaine, on parle des légendes. Oui, ben c'est ça. Je suis sûr que je vais m'en rappeler. Oui, quelle est la différence structurelle entre un cerveau qui permet la subtilité et un qui ne la permet pas? Il faudrait un tableau. À un moment donné, on va... Comment le cerveau peut-il communiquer la pensée dans le corps physique? Je pense à boire, ou j'ai le goût de boire plutôt, puis il y a toute une locomotricité qui se fait, je bois. Les neurones sont constitués d'atomes. Les atomes sont constitués de paliers d'énergie qu'on appelle des orbitales. Là-dessus, on découpe des électrons, mais l'électron, il est présent partout en même temps. Donc, un électron, il n'a pas de temps et de position en même temps. Quand la science observe l'électron, il sait où il est, il ne sait pas d'où il vient ni où il va, ou il sait sa trajectoire, mais il ne sait pas où il est. Il ne peut pas connaître les deux en même temps. C'est de l'instantanéité. Le neurone est constitué d'atomes. Ce qui arrive simplement, c'est que selon la qualité de l'énergie qui constitue chacun des atomes constituant le neurone, l'interaction entre l'énergie de la pensée, je passe des détails, lorsque ça vient jouer avec l'énergie intra-atomique d'un neurone, ça dépolarise le neurone. Si le neurone est plus dense, si l'énergie est moins vibrante, si les électrons tournent moins vite, on pourrait dire, ou sur des orbitales beaucoup plus proches du noyau, si la structure du neurone elle est plus froide, eh bien, lorsque l'être humain va écouter ou entendre certaines choses, il y a plusieurs neurones qui ne pourront pas se dépolariser parce qu'ils demandent plus d'énergie pour se dépolariser. Alors, on devra vulgariser. Quand on dit des choses subtiles, il y a moins d'énergie qui est communiquée et là, il faut des neurones qui vont être capables de réagir à ces petites choses-là. Dans la pensée astrale, c'est la même chose, c'est que l'humain doit être capable de lire, de voir des petites choses plutôt que de voir des ensembles de choses. Alors, il verra des subtilités. Bon, ma femme revient de Jamaïque, mon nom c'est Daniel Kemp, et son fils de 7 ans, à un moment donné, fait une farce, il regarde ma femme et dit « Toi, t'es une Jamaïcaine. » Bon. Et là, ça dépend à comment les cerveaux fonctionnent. Mais après, quand il me l'a expliqué la troisième fois, j'ai dit. C'est ça. Lui, il est capable de faire des subtilités. Moi, j'ai répondu « Oui, puis il y a plusieurs qui pensent que je suis un gourou. Je viens d'Australie, je suis un Kemp gourou. » Bon, je vais faire des bons. Évolution. Et vous allez ensemble manger au Kentucky? Oui, on va au Kentucky manger ensemble. Alors, c'est de la subtilité. Alors, pour ça, justement, il y a des neurones qui travaillent différemment et qui arrivent à comprendre des choses, puis là, l'ego s'amuse là-dedans. Pourquoi certaines personnes vont être plus sensibles, vont avoir plus d'intuition que d'autres, sans être à l'écoute de rien, en étant naturellement comme ils sont? À cause de leur corps physique, à cause de leur génétique, à cause simplement de ce qu'ils sont. Vous savez, on n'a pas de mérite. On recherche souvent que le mérite, l'ego recherche ça, l'évolution méritoire, et c'est elle qui nous fait tant souffrir. Moi, je fais des conférences, c'est extrêmement facile. Je n'ai pas plus de mérite que celui qui marche dans la rue. J'écris des livres, c'est facile, je n'ai pas de mérite. J'écris un roman, le roman est c'est un roman. J'écris un livre technique, de la naissance à la mort, c'est un livre qu'une personne relit les chapitres 4, 5, 6 fois avant de comprendre le chapitre, ou avant de s'écœurer. Bon. Je n'ai pas de mérite. C'est un paquet de livres condensés, c'est-à-dire j'aurais pu écrire longtemps, j'ai fait ça dans un livre, pour les personnes qui veulent manger beaucoup. Il n'y a pas de mérite. La personne qui a des intuitions, des ceci, des cela, pourquoi? Ça dépend de la génétique, ça dépend de tout ce que vous avez été avant, ça dépend de tout ce que les corps physiques ont été pour finir par vous constituer. Ça dépend de ça. Donc, dès le départ, on est comme les branches sur les arbres au printemps. Il y a des grandes feuilles qui poussent, des grandes branches qui poussent, des petites branches qui poussent. Tout est utile, on s'en fout de savoir lequel est le mieux. Il n'y a pas de mieux, mais c'est différent. Alors, il y a des personnes qui l'ont, des personnes qui ne l'ont pas. J'ai déjà rencontré un aveugle qui avait la faculté de lire l'épaisseur de l'écriture, il pouvait lire ce qui est écrit. Bon, aujourd'hui, on invente des encres qui ont un peu plus de relief. Mais il y a des aveugles qui peuvent détecter l'impression de l'encre. Et on dit, ça n'a pas d'allure. Prenez une feuille. Faites une ligne dessus, faites-en une photocopie, passez votre doigt, vous allez sentir le relief de la ligne. C'est suffisant. Les doigts, c'est génial. Mais il y en a qui peuvent lire beaucoup plus, ils prennent une roche, puis ils vont vous lire l'histoire de la roche. Mais c'est ça. Nous, on ne le fait pas tout le monde, alors on trouve que c'est poussé un peu. Il y a des aveugles qui s'entraînent, qui se promènent sans chien d'aveugle parce qu'ils sont capables de se diriger. Si on arrive trop vite dessus, ils ne le perçoivent pas, mais ils ont le temps de bouger autrement. On est comme on est. On a tout ce qui existe, c'est là. Certains ont la capacité de le lire, d'être plus attentifs, d'autres un peu moins. Ce que je dis, c'est que au niveau de l'évolution des facultés qui vont servir de toute façon chaque être humain, soyez juste honorablement plus attentifs à ce qui se passe dans votre vie. Je vais me promener avec vous sur la rue. Nous allons faire Sainte-Catherine sur Saint-Denis. Nous allons montrer Sainte-Catherine jusqu'au boulevard Crémazie. Nous allons revenir. C'est plate, hein? Après ça, allez compter votre marche sur la rue. Moi, je vais compter la même marche. Puis tout le monde va être convaincu que moi, j'ai du plaisir et que j'ai vécu des aventures extraordinaires sur la rue, pas vous. En majorité des temps. Parce que j'ai une écoute très différente. Mais je ne suis pas toujours en train de voir ou etc. Ça s'accumule simplement. C'est une attitude de vie. Ça se développe, ça ne s'apprend pas. On y parvient à un moment donné. Alors, pourquoi certaines personnes vont être plus sensibles et certaines personnes disent, bon, sont plus sensibles, c'est génial. J'ai connu une personne qui a travaillé des années pour ouvrir son troisième œil pour voir l'aura. Pas sa blonde, là. Et quand, à un moment donné, il a fini par voir l'aura, Il y avait un problème. Quand il allait se coucher, il voyait encore l'aura. Il avait de la misère à dormir. Il avait travaillé pour l'ouvrir, le troisième œil. Yeah! Il fallait le fermer maintenant pour qu'il puisse dormir de temps en temps. Il fallait mettre une paupière. Paupière. Paupière ni l'aura. Non, ça, rien de ça. Alors, il y a donc toujours, tu sais, bon, être sensible, c'est être mince. Ne pas être sensible, c'est être épais. Lui est épais, dans le plus mince. Tant mieux. Le périsprit est épais, il se fait moins manipuler. On a une autre sensibilité, on arrive à contrôler le périsprit. Comment on fait ça? Comment on contrôle la digestion? On ne sait pas trop, mais ça se fait. On finit par le faire. Tout ce qu'il y a, je vous le répète, c'est la plus facile des choses. Autorisez-vous simplement de temps en temps à être ce que vous êtes, donc à cesser de chialer, à cesser de gueuler, à ajuster la parole, à avoir un langage plus propre. Je le dis, devenez aristocrate. Pas les imbéciles qui, à un moment donné, ne font que jouer, là. Mais quelque chose qui amène de l'esthétisme, qui devient convenable. Au fur et à mesure que l'on va, c'est pas d'avoir une robe ou un veston ou des bijoux de diamants. C'est pas ça, un aristocrate. Un aristocrate, c'est quelqu'un qui porte un diamant et ça lui va. Bon. Un aristocrate, c'est quelqu'un qui n'a pas de diamant et ça lui va. Simple. C'est qu'énergétiquement, c'est évident. C'est convenable. Pas à partir de livres de morale, etc. Et les sensibilités qu'on a besoin, elles viennent. Ça fait partie du processus du miracle. Quand je dis du miracle, ça veut simplement dire du processus que l'ego ne connaît pas la mécanique. C'est tout. Processus dont l'ego ne connaît pas la mécanique. Ça fonctionne. Mon évolution semble proportionnée au chemin que je poursuis. Comment peut-on parler de la manipulation de l'intelligence? Est-ce qu'il y a autre chose? Ben, manipulation de l'absurdité, manipulation de la mémoire, manipulation du monde de la mort, manipulation de la mode. Le collectivisme qui vous interdit d'évoluer plus vite qu'un autre, c'est illégal. Toutes les mécaniques qui vous disent de ne pas vous prendre pour Dieu, de ne pas vous prendre pour, etc. Bref, d'être humble en voulant dire petit, etc. Donc, il y a effectivement énormément de manipulation. Mon évolution semble proportionnée au chemin que je poursuis. Ça va de soi. Ça dépend simplement du chemin que vous poursuivez. Mais ça ne veut pas dire qu'on a plus de libre-arbitre. Moi, le chemin que je suis, je ne le poursuis pas, ça donne. Mais le chemin que je suis, il va bien. Si j'aurais suffisamment d'ego, je pourrais dire que c'est le chemin que je désire suivre. C'est vrai. Mon ego se plaît dans le chemin, donc il désire le suivre. Mais, tant mieux, il désire suivre le chemin que ça s'adonne que je suis. Que je suis, ou que je suis, que je suis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain qui a de l'ego et que l'ego finit par lui faire croire que chaque fois qu'il veut devenir télépathe, il devient télépathe, alors il n'y a pas de manipulation. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est fortement manipulé. Et c'est la pire des manipulations qui existent sur le plan planétaire, c'est qu'on vous fait désirer ce que vous allez avoir. Ce qui finit par synergiser, par renforcer l'idée que l'être humain qui veut, il peut. Alors qu'en réalité, on lui fait vouloir ce qu'il va pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais elle est extrêmement importante. À un moment donné, on finit par se libérer de cette mécanique. Ceux qui contrôlent leur évolution, la journée qui ne contrôle plus, ils sont très dépressifs. Parce qu'ils ne l'ont jamais contrôlé. Alors moi, présentement, je ne la contrôle pas. Quand je dis « je veux ceci », ça vient. Mais je ne contrôle pas les choses. Je sais très bien que j'ai une marge de manœuvre et que l'être humain, dans les années 90, ceux qui vont s'autoriser à se conscientiser un peu mieux, un peu plus, vont avoir une marge de manœuvre. On ne contrôle pas plus. Je reviens encore sur la même chose. Le feu prend dans la salle ici. Vous sortez par la porte, ben vous êtes manipulé. Ça veut dire, je ne peux pas sortir par les murs. Exact. Il y a une seule solution intelligente. Vous êtes intelligent, vous n'avez pas le choix, vous allez l'appliquer. Il n'y a pas de libre-arbitre là-dedans. Vous ne la voyez pas la solution, vous allez appliquer une solution qui n'est pas intelligente. Même chose, pas plus de libre-arbitre. Ne cherchez pas le libre-arbitre sur la planète Terre, il n'y en a pas. L'humain, présentement, fonctionne dans un chemin qui est celui qu'il désire. Tant mieux. Parce qu'il désire le chemin dans lequel il est. Bon, la journée que le désir va changer ou que le chemin va bifurquer, il va découvrir ce que je dis. Très occasionnellement, lorsque je dors occasionnellement, je sais que je rêve quand ce qui se passe est très bête. Expliquez comment on peut savoir que l'on rêve et faire le parallèle avec ce qui se passe lorsque l'on meurt. Est-ce que l'on peut juger de notre état d'évolution par notre capacité de maintenir le mental durant le rêve? Non. Ça fait partie des paradoxes et des problématiques pour l'ego dans l'évolution. En même temps, c'est très avantageux. Ça permet à l'ego de ne pas trop s'orgueilliser. Vous ne saurez jamais où vous en êtes. Bon, il n'y a pas de critères de quoi que ce soit, on ne le saura jamais. Parce que l'humain essaie toujours de savoir où il en est, il découvre toujours qu'il est inférieur à d'autres. Alors qu'il y a une vision très nombritique de ce qu'il est. On n'a pas, non. Très occasionnellement, lorsque je dors, je sais que je rêve pendant... Bon, moi ça m'est déjà arrivé de faire un rêve où j'ai mangé une claque. Quelques années après, j'ai refait le même rêve. Je m'en suis rappelé dans mon rêve que j'avais rêvé le rêve. J'ai pas pris la même porte ce coup-là. Là, j'étais correct. Bon, une chance, je me suis rappelé, j'avais déjà rêvé le rêve. C'est très amusant, c'est très plaisant. Mais ça ne donne pas une idée de l'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est que quand il se met à pleuvoir, chialez-vous. Quand il se met à neiger, plaignez-vous. Quand vous avez une crevaison, qu'est-ce qui se passe? Ça vous donne une idée de l'évolution. Pas au niveau du rêve. Mais c'est évident que plus on contrôle le rêve, mieux c'est. Mieux c'est. Dans la mécanique, on n'est pas plus évolué. L'évolution, ça se mesure par la capacité que l'on a de rester soi-même, quels que soient les événements. Totale faillite. Garde ton sourire. Qu'est-ce que les gens vont dire? T'es un maudit niaiseux. Ce n'est pas compris par les animaux humains que l'être humain peut être heureux. Ça ne concerne pas les événements extérieurs. Ça, là, on voit l'évolution. Le rêve, non. Vous pouvez même faire des cauchemars encore. C'est très évolué. Une personne extraordinairement évoluée peut être malade. Mais traditionnellement, voyons donc, si ainsi évolué que ça, comment ça fait qu'un malade? Ça n'a rien à voir. Le corps physique mange la claque quand un être humain évolue. Et puis en plus, on travaille sur certains créneaux, pas nécessairement sur les autres créneaux. Bon, t'as une verrue plantaire. Ça veut dire que t'es évolué. C'est une verrue planétaire. Ah, ben ça, toi, oui, t'en as une verrue planétaire. Planétaire, là. Une verrue sur le genou. Bon. Ah, il a une verrue sur le genou. Il travaille. Une verrue sur... Là, je travaille pour ne pas travailler. Ah, tant mieux. Parfait, ça occupe. Une verrue sur le genou, et on va dire pour rien, l'intelligence mentale, ça peut pas y avoir une verrue sur le genou. Il se plaint pas de sa verrue sur le genou. C'est ça que ça fait l'intelligence, c'est ça que ça fait l'évolution. Oui, mais en attendant, la verrue, c'est pas plus intelligent, c'est vrai. Et à un moment donné, va disparaître aussi. Sauf que, il canalise pas toute son énergie sur la verrue sur le genou. Surtout que là, même qu'il attend d'en avoir une deuxième, parce que s'il fait vite, il faudrait qu'il fasse de lavage de la cuisine. Il va pas s'appeler de sa genou sur ses deux verrues. Ça va. Voulez-vous préciser ce que veut dire le mot métagnome? La métagnomie, trouver ce qui est caché dans l'histoire, la métagnomie, c'est la faculté qu'a l'humain de lire avec les mains. C'est surtout ça que ça veut dire. Alors, comme tout à l'heure, je prenais l'exemple de personne qui prend une roche puis qui vous conte l'histoire de la montagne. Une personne qui vous serre la main, elle en sait sur vous. Métagnomie, c'est cela. C'est la capacité de trouver ce qui est caché dans les annales, dans la mémoire du temps. On peut donc dire de lire l'historicité d'un phénomène, d'une matière intouchante. Alors que le Kimberlandis, c'est plus précisément trouver ce qui est caché en termes d'objets perdus, cachés, qui n'est pas là. Tu as dit que le but de l'humanité est de faire évoluer les corps physiques. Si je suis un être conscientisable, je peux donc devenir entièrement maître contrôleur de ma vie. Si je suis mort demain matin, aurai-je encore le contrôle de ma destinée? De toute façon, on s'en fout. Parce que si je dis oui, vous avez le contrôle de votre destinée, puis que c'est faux. Et si je dis non, puis que c'est faux. Puis si je dis oui, puis c'est vrai. Puis si je dis non, puis c'est vrai. La réponse, ça va changer quoi? Chose certaine, c'est que si vous croyez la réponse que je vais vous donner, c'est que vous n'avez pas le contrôle de votre destinée. Autant dire non. Tu as dit que le but de l'humanité est de faire évoluer le corps physique. Non, mais la fonction, pas le but. La fonction présente de ce que l'humanité vit, c'est uniquement les corps physiques qui sont importants. C'est pourquoi les mémoires meurent et ne reviennent pas, mais les corps physiques, par la génétique, continuent à être là, avec un raffinement. Il y a un phénomène réincarnationnel, mais pas comme l'humain l'a appris dans les traditions. Si je suis un être conscientisable, donc capable d'avoir une expansion de conscience, ça ne veut pas juste dire comprendre ce que je dis, ça veut dire simplement comprendre. Chose. Je peux donc devenir entièrement maître contrôleur de ma vie. Non. Vous pouvez devenir maître contrôleur à bord du corps physique. Pas de la vie. C'est autre chose. Si je suis mort demain, donc vous vous réveillez mort demain matin, aurais-je encore le contrôle de ma destinée? Vous n'avez et vous n'aurez jamais le contrôle de la destinée. Comprenez une petite nuance. Si je dis que la meilleure chose, si vous conscientisez, vous décidez, vous projetez que la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est d'être immortel. Exemple. Et subitement, vous constatez que vous l'êtes déjà immortel. On vous a eu. On vous aurait rendu immortel une seconde avant que vous le pensiez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas de libre-arbitre. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire du libre-arbitre? Tout ce que vous concevez d'intelligent, c'est ça qui se passe dans votre vie. Moi, ce que je conçois d'intelligent, ce que je ferais si j'aurais du libre-arbitre, je n'ai pas besoin de le faire, c'est déjà fait. Alors, je suis manipulé, mais je m'en fous. C'est agréable. Le manipulateur, il a la même intelligence que moi. Ou j'ai la même intelligence que lui. On est en harmonie, quelque chose qui va bien. L'être humain qui se conscientise, l'être humain qui devient un homme nouveau, une femme nouvelle ou un enfant nouveau, capable d'accepter le neuf, l'être humain qui, à un moment donné, devient totalement l'ego qui devient subjugué par l'intelligence, lorsque vous allez totalement être désassujetti des manipulations, vous n'aurez pas plus de libre-arbitre. Ce que vous allez vouloir qu'il se passe, ça va être déjà là. Non. On se repose. On va simplement avancer avec le courant, ça va être parfait. Pour l'ego, c'est compliqué parce que l'ego, il veut contrôler. Quand je parle de maître contrôleur, je parle que le mental, assujetti à l'intelligence, va contrôler l'ego. Donc, vous n'aurez plus de sécrétion endocrinienne pour rien. Votre cœur n'accélérera pas pour rien chaque fois qu'il y a une petite affaire qui se passe autour de vous. Vous ne chiolerez plus. Vous allez dormir tout de suite quand on va vous coucher. Hein? Quand on se couche, c'est pour dormir. C'est pas pour niaiser pendant trois quarts d'heure. C'est ça, être maître contrôleur. C'est que vous êtes dans un état particulier. Quelqu'un vous donne une claque en pleine face, ça ne change rien à votre état. On vous en donne une deuxième, ça ne change rien à votre état. On vous en donne une troisième, vous la bloquez, ça n'a rien changé à votre état. On vous en donne une quatrième, vous bloquez l'autre main, ça ne change rien à votre état. Vous lui donnez un coup de tête en pleine face, il tombe sans connaissance, ça n'a rien changé à votre état. Vous passez par-dessus et vous en allez. Ça ne change rien à votre état. Là, vous êtes réellement un être pur. Vous rentrez dans un restaurant, quelqu'un vous pousse, vous le laissez rentrer, ça n'a rien changé dans votre état. Vous venez pour rentrer, vous poussez encore, ça n'a rien changé à votre état. Vous venez pour rentrer, vous poussez l'autre, puis vous rentrez, ça n'a rien changé à votre état. C'est évolué. Vous ne vous laissez pas piler sur les pieds inécologiquement. Vous comprenez la mécanique des choses. On vous attaque dans une ruelle, vous allez vous défendre. Vous êtes obligé de tuer, vous tuez que sourire, ça n'a rien changé à votre état. Vous ne vous tuez pas, vous ne tuez pas. Mais vous restez écologique, ça ne change rien à votre état. Ça, c'est une grande partie de ce qui arrive chez celui qui évolue. Il devient stable, mais totalement vivant. Et c'est exponentiel, l'évolution rendue à ce moment donné-là. Est-ce que vous organisez des voyages au Pérou? Est-il nécessaire d'avoir suivi vos cours de PMC pour y aller? Est-ce que j'organise des voyages au Pérou? Non, je n'organise pas de voyages, je n'ai pas d'agence de voyage. Est-ce que c'est nécessaire de l'avoir suivi de vos cours PMC pour les faire? Oui. Bonne. Comment doit-on développer ou améliorer certaines qualités que nous pensions avoir sans l'avoir pratiquée? Est-ce une guerre d'ego en moi qui empêche de l'exercer? Ou écrivain que les circonstances? Une chance que l'être humain ne contrôle pas sa vie, présentement, parce qu'il fait longtemps qu'il n'y aurait plus de planète. L'être humain qui Comment doit-on développer ou améliorer certaines qualités que nous pensions avoir sans l'avoir pratiquée? Tout ce que je dis, c'est soyez attentifs. Tout ce que vous avez besoin va naître au bon moment. Vous allez le développer, vous allez en servir sans suivre de cours, sans problématique. Puis à un moment donné, ça va s'estomper progressivement parce que vous devez passer à une autre étape. C'est très simple. Quand mon pendule a cessé de fonctionner, c'est parce que je devais m'autoriser à savoir les mêmes réponses sans le foutu pendule. Alors au début, c'est frustrant, j'étais jeune, puis oui, mais Christy, pourquoi ça a fonctionné, ça ne marche plus? Mon ami, ça fonctionne encore. J'étais jaloux. Puis à un moment donné, ben, j'ai compris une chose, c'est que si lui augmente ce que je dois dire, je devrais être capable de le savoir autrement. Je ne savais pas comment. Je n'ai jamais su comment. Jusqu'à un moment donné où j'ai su que je le savais des choses, je ne savais pas comment, mais je savais les choses. Les cartes, c'est la même chose. Je tire aux cartes quand j'étais jeune, jusqu'à un moment donné où je me suis dit, les cartes sont là comme support pour nous stimuler. Mets les cartes à terre. Pourquoi ne puis-je pas me stimuler de la même façon, sans les cartes? Je ne voyais pas comment. Puis à un moment donné, j'ai regardé le visage des personnes. Puis je me servais des personnes comme cartes. Puis à un moment donné, on n'a plus besoin. Les marques de thé, les boules de cristal, etc., c'est la même chose. Donc, simplement, soyez juste attentifs. Les choses sont parfaites et viennent au bon moment. On se fait avoir de temps en temps. Ça raffine encore notre sélection, notre discernement. Cherchez pas le résultat, vous n'aurez pas de résultat. C'est pas le résultat qui est important, c'est le chemin qu'on prend pour arriver quelque part. Pour arriver au résultat, mais le résultat n'a pas d'importance. C'est pourquoi qu'à un moment donné, quand je suis un bon radiesthésiste, ça ne fonctionne plus. Que je suis un être évolutif. C'est bien que ça cesse de fonctionner. Parce que maintenant, je vais procéder d'une autre façon. C'est ce qui m'a amené au résultat qui est important, pas le résultat. Est-ce une guerre d'ego en moi qui empêche de l'exercer? Probablement. Ou ce n'est pas le temps. Pourquoi ce n'est pas le temps? Parce que vous devez arrêter sur certains phénomènes dans votre vie, on pourrait dire être frustré, vous écœurer de certaines choses pour vous obliger à développer des créneaux que vous n'exploitez pas suffisamment, qui vont vous amener vers une autonomie de conscience. La vie, elle est chienne. Mais en réalité, elle ne l'est pas. C'est qu'égoïquement, on vise des résultats, les résultats, on ne les a pas, les résultats, on n'en a pas besoin, c'est le cheminement qu'on fait pour y aller. Plus on est un être évolutif, donc conscientisable, plus le résultat est éphémère. Il ne faut pas rester là longtemps. Il faut qu'on monte, il faut qu'on bouge. Et pour l'ego, c'est problématique parce que l'ego conscientise toujours que c'est ce qu'il va laisser comme trace qui est important. À un moment donné, quand les processus réincarnationnels vont changer, les traces, ce n'est plus ça qui est important. Ce qui se passe là-dedans, c'est ça qui va être important. Un point tel qu'à un moment donné, qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, par imprégnation, on crée nos propres vecteurs de réincarnation, autrement que par la génétique. Alors ne cherchez pas les résultats. Allez-y. Et rendu là, ne dormez pas, ça va tomber. Continuez à prendre les ascenseurs qui suivent. Comment pouvons-nous savoir quelle serait la carrière idéale pour moi? Une carrière, c'est quelque chose qu'on exploite, qu'on dynamite, qu'on creuse, qu'on vide, puis qu'on abandonne. Comment savoir quelle serait la carrière idéale? Vous êtes un être vivant, un être évoluant, un être qui doit s'autoriser à changer d'emploi même de temps en temps, quel que soit l'âge, jeune ou considéré âgé. On n'en a pas de vraie carrière. La vraie carrière, c'est la vie. Vous allez quelque part, ça vous permet d'être heureux. C'est évident qu'il faut que la matière financière rentre quelque à un moment donné pour nous désassocier de la mécanique, pour nous donner un peu de temps. On ne doit pas chercher la carrière qui va nous rendre heureux. On ne doit pas chercher la carrière qui va nous rendre malheureux. On doit chercher des choses par lesquelles on peut apprendre. Quel que soit l'emploi que vous allez faire, ça peut vous permettre d'apprendre. Quand devons-nous changer de carrière? C'est lorsque énergétiquement, la classe énergétique que nous avons n'est plus en résonance avec ce que nous faisons. Être un vidangeur, c'est génial. Être un balayeur de plancher dans un hôpital, c'est formidablement génial, surtout c'est bien payé. Mais à un moment donné, personne ne peut plus pousser du balai ou ramasser les vidanges des autres. Pas parce qu'être un vidangeur, c'est pas correct. c'est qu'elle n'est plus de ce niveau-là ou du point de vue énergétique. Et ce n'est pas une question péjorative. Je suis trop évolué pour être un pousseur de balai. Non. T'es bon, tu peux continuer à pousser le balai. À parler comme ça. C'était pas ça l'idée. Il vient un moment donné où l'intelligence qui vous habite ne peut plus s'exprimer par les vidanges ou le balai. Elle devra sortir autrement. Là, c'est le temps de changer de carrière. La carrière idéale, mais il n'y en a pas. En fonction de ce que l'on est, c'est comme c'est quoi l'automobile idéale? C'est celle qui va vous permettre de rester ce que vous êtes. Alors les carrières, on doit se busser. L'humain en vieillissant a peur. On ne devrait pas avoir peur. Surtout pas dans notre société avec le chômage, l'assistance sociale. Alors, on peut même protester pour les augmentations de l'assistance sociale. Bon. Restez vivant, vous allez voir que vous ne resterez pas longtemps en bas, dans ce que vous appelez des trous. Changer de carrière, on ne change pas pour le plaisir, mais vient un moment donné, effectivement, où énergétiquement, on se fait drainer par la carrière. Ce n'est plus pour nous, on change de carrière. On était médecin, on peut venir vidangeur. C'est pas plus bon être vidangeur. Mais quand médecin, on n'a plus rien à faire là, on va chercher ailleurs, c'est simple. À la carrière idéale, il n'y en a pas. Moi, je me crée mes propres emplois, j'ai des compagnies, j'ai eu des emplois que j'ai extraordinairement appréciés. Le seul problème que mon employeur avait, c'est qu'à chaque année, je démissionnais. Puis quand je n'avais pas le bol, je démissionnais, puis je revenais par la suite. Bon. Pas de carrière idéale. Je suis très, très stable dans mon instabilité. C'est bon. Est-ce que lorsque notre conscience évolue, notre corps en est affecté? Existe-t-il une relation sensible avec une relation avec une grande sensibilité que je sens dans mon cou? Plus l'être humain avance, plus le corps physique est transformé. Les maladies qui sont particulières, les bourdonnements d'oreilles, bon, c'est une chose. Les DRS, j'en ai déjà parlé, douleurs rétrosternales, style crise de cœur, mais sans QRS particulier sur un électrocardiogramme, donc le cerveau pensait qu'il n'y avait pas. Des torticolis. Perte de cheveux. Non, c'est pas là. Ouais, ça vient. Quand j'étais jeune, je me suis dit, l'homme nouveau va être chaud. Ça a tout réglé le problème. Le corps physique est altéré parce qu'il y a des mutations physiques, mutations endocriniennes, mutations neuroniques. Et à travers cela, il y a des pathologies qui peuvent apparaître. Mais une chose est certaine, plus un individu refuse d'être transparent face à lui-même, dans une conscientisation, puis le corps physique mange la place. La guérison, avoir une raison intelligente d'être en santé, ça se fait très rapidement par le suite. Il faut laisser le temps au corps, mais ça se fait. Comment faire pour conquérir notre ego qui devienne un ami au lieu d'un ennemi? Comment faire de son ego un ami? Commencer par détruire totalement l'ennemi et puis parler comme un bon parent à son ego. Là, t'as peur d'aller là-bas, là, t'as venu quand même. On y va. Puis après tout, c'est pas si bien que ça, t'as te coucher. Il faut pas arrêter d'aller. La semaine prochaine, pour ceux qui ont aimé les histoires, les légendes du roi Arthur, Lancelot du Lac, la quête du Graal, Merlin l'Enchanteur, les lutins, les hobbits, les gnomes, les aventures de Gulliver chez les Lilliputiens et des dizaines de légendes, le titre de la conférence sera Le mystère des légendes. À vendredi prochain.